السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. حياكم الله. أهلا وسهلا. ومرحبا بكم جميعا. Donc comme cela a été annoncé, le titre de cette conférence est « Dissipation d'ambiguïté autour du prêche salafi ». Et ce sujet a été choisi car, comme vous le savez, il y a énormément d'ambiguïté et d'accusations envers ce prêche, que ce soit venant des gens de l'innovation ou bien de personnes qui simplement répètent ce qu'ils entendent. Et ce phénomène est certes en recrudescence à notre époque. De ce fait, il est donc important de rétablir la vérité. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler l'importance de réfuter les ambiguïtés, surtout ceux venant des gens des passions. Il faut tout d'abord savoir que ceci est la voie des pieux prédécesseurs, et il découle de ces réfutations un bien immense. Et comme preuve à cela, il suffit de mentionner le débat qu'il y a eu entre le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, avec la secte des Khawarij. En effet, lorsqu'il y eut des troubles entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Khawarij, Abdullah ibn Abbas décida d'aller leur parler. Et leur nombre à cette époque atteignait 6000. Et donc Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, leur demanda ce qu'il reprochait aux compagnons. C'est alors qu'un homme parmi les Khawarij dit à Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, qu'il leur reprochait 3 choses. Et après avoir pris connaissance de ces 3 choses, qui n'étaient en vérité que des ambiguïtés, Abdullah ibn Abbas les réfuta avec science, en se basant sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, 2000 d'entre eux revinrent sur leur position par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous montre très clairement que les réfutations sont un bien. Malgré cela, il incombe à celui qui réfute de le faire avec science et aussi d'être juste dans ses propos, même si la personne qu'il réfute est l'un de ses ennemis ou bien une personne qui lui a fait du tort. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et il dit aussi, subhanah, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. Lorsque vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter et de m'accorder la sincérité dans la parole et l'action. Nous allons traiter dans cette conférence 10 ambiguïtés, incha'Allah ta'ala. La première est la parole de certains. Les gens de la sunna ne parlent que de tawhid, comme si nous étions à l'époque des polythéistes de Quraysh. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un vrai besoin de multiplier l'appel au tawhid, car les gens adoraient les idoles. Mais maintenant, les gens connaissent le tawhid, et ces idoles ne sont plus adorées. Il n'est donc pas nécessaire de parler autant de tawhid, mais plutôt, il suffit de faire quelques rappels généraux sur ce sujet. Donc cette ambiguïté est malheureusement très répandue et elle a pour but de décrédibiliser le prêche des gens de la sunna en le faisant passer pour un prêche qui n'est pas adapté aux gens et à leur quotidien. Et pour réfuter celle-ci, il suffit de dire que si le prêche des gens de la sunna est basé sur le tawhid, c'est tout simplement car ceci est la voie du Coran. En effet, le premier ordre qui a été mentionné dans le Coran et l'ordre du Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah: Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin de parvenir à la piété. Tout comme la première action qui est mentionnée dans le Coran, c'est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat al-Fatiha: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons l'aide. Et tu ne trouveras pas une sourate du Coran en règle générale sans qu'il y soit mentionné le tawhid. Le tawhid, c'est la base et ce qui est le plus important. Donc forcément, il est essentiel de lui donner de l'importance. Et il est comparable aux fondations d'une maison. Et concernant leur argument, maintenant les gens connaissent le tawhid et donc il n'y a pas besoin d'en parler autant, ceci n'est pas correct. Et la question qu'on pose à ces gens-là est la suivante: pourquoi dans ce cas-là le shirk est-il encore répandu si le tawhid était si connu que cela, on ne devrait plus voir de shirk, ou alors très peu? Et aussi pourquoi le shirk actuel est pire que celui des premiers polythéistes? Car lorsqu'on regarde les premiers polythéistes, ils reconnaissaient la seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Si tu demandes au polythéiste qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils répondront: c'est Allah. Comment s'écarte-t-il ensuite de la vérité? Alors que de nos jours, certains associent dans la seigneurie en attribuant la création à autre qu'Allah. Pareil pour les noms et attributs. Les premiers polythéistes reconnaissaient de manière générale les noms et attributs, sauf certains qui ont renié le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Lorsqu'on leur dit: prosternez-vous devant le miséricordieux Ar-Rahman, ils disent: qui est le miséricordieux? Nous prosternerons-nous sur ton ordre? Et ceci ne fait qu'augmenter leur répulsion. Alors qu'à notre époque, certains ont renié les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ont même fait ressembler Allah à ses créatures. Et ont par cela associé dans cette catégorie de tawhid. Et ceci nous montre clairement que tout le monde ne connaît pas le tawhid comme ils le prétendent. Et quand bien même tous les musulmans connaîtraient le tawhid, est-ce pour autant que l'on doit arrêter d'appeler au tawhid? La réponse est non. Car celui qui connaît le tawhid n'est pas à l'abri du shirk. Et prenons l'exemple du peuple de Nuh, alayhi salam. Avant l'apparition du shirk, ils étaient tous sur le tawhid. Comme l'a mentionné Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, wa an abi. Mais lorsque l'ignorance s'est répandue et que les gens de science ont disparu, le shirk est apparu. Donc ça, c'était concernant la première ambiguïté. La deuxième ambiguïté, certains, ils vont te dire, les gens de la sunna ne se préoccupent pas des problèmes de la communauté. Ils vont te dire, les musulmans n'ont plus la suprématie, ils se font tuer, certains meurent de faim, dans certains pays, il y a la guerre. Et au lieu de se préoccuper de cela, les gens de la sunna, eux, te parlent de tawhid, comme si cela allait arranger les choses et les problèmes de la communauté. Voici leur ambiguïté. Et elle a encore pour but de décrédibiliser le prêche des gens de la sunna et de le faire passer pour un prêche qui n'est pas adapté pour la communauté. Et par cette ambiguïté, ils incitent les musulmans à écouter le prêche de personnes qui se morfondent et ne parle la plupart du temps que de la situation de la communauté. Et la réponse à cette ambiguïté se fera en deux points. Le premier est que les gens de la sunna se préoccupent des problèmes de la communauté. Sauf que leur méthodologie dans cela est de regarder en priorité les causes qui ont plongé la communauté dans ces problèmes. Et ensuite, œuvrer pour que les gens se réforment. Et l'une des causes principales qui a plongé, ikhwani fillah, la communauté dans de nombreux troubles, c'est la négligence de la mise en pratique du tawhid et la propagation du shirk. Et il y a certes de nombreuses preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indique très clairement que ces deux points sont des causes de troubles. Parmi ces preuves, vous retrouvez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Saba. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله سبحانه وتعالى dit dans sourate Saba, selon le sens, la tribu de Saba avait en ses demeures un signe, deux jardins se trouvant à droite et à gauche. On leur dit: mangez de ce que votre Seigneur vous a accordé et soyez reconnaissants envers lui. Cette contrée est bonne et son seigneur pardonne. Mais ils se détournèrent. Nous fîmes alors déferler sur eux les flots d'El-Arim et nous transformâmes leurs vergers en deux jardins n'offrant plus que des arbustes aux fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. Et ici, il y a une question qui se pose. De quoi se sont-ils détournés pour mériter tout cela? Et cette question, elle mérite d'être élucidée. Le grand savant Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, il répond à cette question en nous disant, je cite, « Ils se détournèrent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son adoration. » Fin de citation. C'est pour cela que dans le verset qui suit, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ?« Dhalika jazaynahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. » C'est ainsi que nous les avons rétribués pour prix de leur mécréance. Qui rétribuons-nous ainsi, sinon le mécréant? C'est pour cela que les gens de la Sunna voient loin et tentent de régler les problèmes de cette communauté par la réforme. Car se morfondre et parler de ces problèmes toute la journée, que ce soit dans les médias ou dans les réseaux sociaux, n'arrange pas les choses et ne vont pas arranger l'état de cette communauté. Mais plutôt, ça va rajouter de la tristesse dans les cœurs des musulmans, dans les cœurs des musulmans. Le deuxième point, les musulmans retrouveront force et suprématie lorsqu'ils vont concrétiser le tawhid. Car ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat An-Nur, dans surat La Lumière, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى dit selon la traduction, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses de leur donner pouvoir sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, de leur donner force et suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux et de les faire passer de la crainte à la sécurité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné la condition. Et il a dit quoi ? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Donc ça, c'était concernant la deuxième ambiguïté. La troisième ambiguïté, certains vont te dire que les gens de la Sunna donnent beaucoup d'importance à la mise en garde contre le shirk. Alors qu'à notre époque, il est plus important de mettre en garde contre l'injustice des gouverneurs, car c'est eux la cause du mal. Et de ce fait, si on change les gouverneurs, l'état de la communauté changera. Et concernant cette ambiguïté, elle est basée sur deux points principaux. Le premier, c'est que mettre en garde sur l'injustice des gouverneurs prévaut sur la mise en garde contre le shirk. Et il n'y a aucun doute que c'est un argument erroné. Car celui qui médite sur le Coran et la Sunna trouvera que la mise en garde contre le shirk est largement plus mentionnée que la mise en garde contre l'injustice. Surtout que le shirk est le pire des péchés et que c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Et nous pouvons aussi rajouter qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ne nous ont pas ordonné de faire des erreurs des gouverneurs une priorité, mais plutôt il incombe aux musulmans de conseiller les gouverneurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dans le hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari, radiallahu an, la religion est le conseil. Et les compagnons dirent envers qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit envers Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté, rapporté par Muslim. Et le conseil envers le gouverneur se fait en privé et non en public. Abu Asim rapporte dans son livre intitulé As-Sunnah, d'après Iyad ibn Ran al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut conseiller le gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public, mais plutôt qu'il le prenne par la main et qu'il s'isole avec lui. Et le hadith a été authentifié par le grand savant Cheikh Al-Albani, rahimahullah rahmatan wasi'a. Le deuxième point principal de cette ambiguïté est que l'état de la communauté changera lorsque les gouverneurs changeront. Et cet argument est contraire au Coran et à la Sunna, car les gouverneurs ne sont pas responsables de l'état de la communauté. Et le changement de l'état de la communauté passe par sa réformation. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Ra'd, Surat le Tonnerre, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. » Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Et l'éminent savant Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans le tafsir de ce verset: si il délaisse la foi pour la mécréance, l'obéissance pour la désobéissance, la reconnaissance pour l'ingratitude, Allah leur retire les bienfaits et l'aisance dans lesquels ils étaient. Au contraire, s'ils se corrigent, écoutez bien, au contraire, s'ils se corrigent et reviennent à l'obéissance d'Allah, ils remplacent leur malheur par le bien, la joie, la félicité et la miséricorde. Fin de citation. Et ceci est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les musulmans étaient accrochés à leur religion et suivaient les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur état était bon et ils avaient la suprématie. Mais lorsqu'ils se sont éloignés de la religion, à part ceux à qui Allah a fait miséricorde, leur état a changé et ils sont passés de la sécurité à la peur. De plus, comme les savants l'ont mentionné, le gouverneur est souvent à l'image du peuple. Si le peuple est pieux, alors Allah leur facilitera un gouverneur pieux. Et s'ils sont pervers, Allah leur donnera un gouverneur à leur image. Donc ça, c'était pour la troisième ambiguïté. La quatrième ambiguïté, c'est la parole de certains. Le prêche des gens de la Sunna est un prêche qui mène au tekfir, c'est-à-dire le fait de sortir les gens de l'islam, faire sortir les gens de l'islam. Et parmi les choses qui indiquent cela, il y a les paroles de certains de leurs savants. Donc ça, c'est leur ambiguïté. Le prêche des gens de la Sunna, c'est un prêche qui mène au tekfir, aywa, et parmi les choses qui indiquent cela, il y a les paroles de certains de leurs savants. Il y en a certaines paroles de savants de la Sunna. Et il n'y a pas de doute, ikhwani fillah, que celui qui dit ce genre de paroles ne peut être qu'une personne ignorante du prêche des gens de la Sunna. Car les gens de la Sunna sont ceux qui mettent le plus en garde contre le tekfir sans droit. Et ils l'ont toujours clarifié dans leurs livres. C'est pour cela que tu ne verras pas un livre qui traite de la croyance des gens de la Sunna sans qu'il y ait en règle générale une réfutation à l'encontre de certaines sectes qui ont justement abusé dans ce sujet, telles que la secte des Khawarij et des Mu'tazila par exemple. Prenons l'exemple du livre intitulé Al-Aqidatul Wasitiyya, écrit par le grand savant Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, je cite, et parmi les fondements des gens de la Sunna, le fait que la religion et la foi comportent parole et action, parole avec la langue et le cœur, et action du cœur, la langue et le corps, et que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec les péchés. Il dit ensuite, néanmoins, il ne rend pas mécréants les musulmans qui font des grands péchés comme le fait les Khawarij. Fin de citation. Et tu trouveras de nombreuses paroles similaires dans les livres des gens de la Sunna. Et ceci indique clairement qu'ils ne sont pas de ceux qui sortent les musulmans de l'islam sans droit. Et ici, quelqu'un pourrait dire, alors que dire de la parole de certains de vos savants qui indique clairement que toute personne qui viendra à faire du shirk, qui soit ignorant ou venant de rentrer dans l'islam, est mécréant. Telle que la parole de Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son livre intitulé Les Trois Fondements, lorsqu'il dit « Quiconque donc voue une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. » D'accord, donc, il pose cette question et il vise souvent ce genre de paroles. Les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui vont dans ce sens. Ou les paroles d'Ibn al-Qayyim qui vont dans ce sens. Ou notamment ici, la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les trois fondements. Dans les trois fondements, dans le premier fondement. En réponse à cela, nous disons premièrement que ce genre de paroles sont conformes au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves à ce sujet sont nombreuses. Parmi elles, le verset 117 de Surat al-Mu'minun, Surat les croyants. Allah, il dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il ne dispose d'aucune preuve manifeste, aura à en rendre compte devant son Seigneur, les mécréants ne réussiront jamais. Deuxièmement, ce genre de paroles sont des paroles générales. Ce genre de paroles sont générales et non particulières. C'est-à-dire que d'un point de vue général, nous disons que quiconque voue une adoration pour autre qu'Allah, ceci est de la mécréance. Par contre, si une personne en particulier, Zayd, Amr, Bakr ou Khalid par exemple, viendra à faire cela parmi les musulmans, nous n'allons pas dire qu'il est mécréant. Tant que les conditions ne sont pas remplies et que les choses qui empêchent de faire son tekfir ne soient écartées. Car selon les gens de la Sunna, le tekfir est de deux types. Ce qu'on appelle, et c'est la première catégorie, le tekfir général. C'est celui qui est annexé à quiconque viendrait faire un annulatif de l'islam ou s'affilier à un groupe dont les savants de l'islam ont jugé comme mécréant, sans pour autant rendre une personne mécréante en particulier. Tu dis par exemple, quiconque fait telle ou telle chose ou a telle et telle croyance sort de l'islam. Et la majorité des paroles de nos pieux prédécesseurs rentrent dans cette catégorie. Prenons par exemple la parole de Nu'aym ibn Hammad, l'enseignant de l'imam al-Bukhari, et d'autres parmi les pieux prédécesseurs. Il disait, celui qui compare Allah à ses créatures aura mécru, et celui qui nie ce par quoi Allah s'est décrit, aura mécru. Donc ça, c'est la première catégorie de tekfir. La deuxième catégorie, c'est le tekfir particulier, qui consiste à juger une personne en particulier mécréante, après qu'elle ait commise un annulatif de l'islam. Et pour cela, il y a de nombreuses conditions. Et ce jugement n'est pas réservé à tout le monde, mais plutôt il est réservé aux gens de science. Et bien sûr, tout cela, les savants l'ont mentionné dans leurs livres. Donc, comment peut-on dire, après cela, que le prêche salafi mène au tekfir? et certains faibles d'esprit, qu'Allah nous guide et les guide, vont encore plus loin. Et ils vont jusqu'à clarifier les salafis en deux catégories. La première catégorie, ceux qu'ils appellent le salafi classique. Et la deuxième catégorie, ceux qu'ils appellent le salafi djihadiste. Et ils veulent dire par le salafi classique, ceux qui se conforment au Coran et à la Sunna. Mais en ce qui concerne le salafi djihadiste, ils visent par cette appellation certains groupuscules terroristes que vous trouvez dans certains pays, tels que Daesh, tels que Al-Qaïda et d'autres. Et cette classification, ikhwani fillah, a pour but d'entacher la réputation des salafis et de faire fuir les gens de ce prêche béni. Et cette classification est très répandue. C'est pour ça qu'il est important de défendre l'honneur des gens de la Sunna en se désavouant premièrement de cette classification et secondement en la réfutant. Et pour ce faire, nous allons mentionner trois points principaux qui suffiront pour toute personne qui cherche la vérité. Le premier point, ceux qu'on appelle As-Salafiyya al-Jihadiyya ou ce qu'on appelle les salafis djihadistes ne sont rien d'autre en vérité que des khawarij, en règle générale. Et il est très étrange d'affilier ces gens-là à la salafie, car ils contredisent les gens de la sunna dans un nombre incalculable de fondements. Par exemple, parmi les fondements des gens de la sunna, il y a le fait que la foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. Et que le musulman qui fait des grands péchés, qui a commis des grands péchés, sa foi diminue, mais il ne sort pas de l'islam. Alors que selon les Khawarij, la foi s'est considérée comme un seul bloc. C'est-à-dire que si le musulman il fait un grand péché, il sort de l'islam. Et ceci au contraire, et ceci est contraire au Coran et à la Sunna. Et au fondement des gens de la Sunna. Il y a aussi le fondement concernant l'obéissance au gouverneur, dans le bien, qu'il soit pieux ou pervers, et l'interdiction de sortir contre le gouverneur. Et ceci est un fondement chez les gens de la Sunna. Alors que selon les Khawarij, la sortie contre le gouverneur est l'un de leurs fondements. Et les savants sont unanimes pour dire que quiconque contredit un des fondements des gens de la Sunna sur lequel ils sont unanimes, tel que la foi par exemple, n'en fait pas partie. Alors que dire, subhanallah, de celui qui contredit plusieurs fondements? Le deuxième point, les gens de la Sunna, ils ont toujours mis en garde contre ces groupuscules que certains aujourd'hui appellent salafis djihadistes. Et ils se sont toujours désavoués d'eux dans leurs livres, dans leurs cours, dans leurs conférences et autres. Donc comment peut-on, après tout cela, affilier ces gens à la salafie? Le troisième point, et c'est un point qui est très important, si ces gens-là étaient vraiment des salafis, pourquoi certains d'entre eux assassinent-ils les savants de la sunna? Comme ceci est arrivé dans certains pays, tels qu'au Yémen par exemple, ceux qu'on appelle aujourd'hui les salafis djihadistes ont assassiné certains gens de science parmi les gens de la sunna. Et ceci est une preuve claire et limpide qu'ils n'ont rien à voir avec la salafia, ni de près, ni de loin. Donc ça, c'était pour la quatrième ambiguïté. La cinquième ambiguïté, certaines personnes, ils vont te dire, les gens de la sunna ne font que de mettre en garde contre les gens. Et ceci n'est pas la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les premières choses qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la mansuétude, la douceur, la tolérance. Et ils vont te dire même, et où est passé le respect de la divergence, la fraternité, l'amour en Allah, en sachant que tout le monde fait des erreurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même, tous les enfants d'Adam font des erreurs et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent Donc, à quoi servent toutes ces mises en garde? Cette ambiguïté, malheureusement, est très répandue, surtout dans le monde francophone. Et ceux qui disent et véhiculent cette ambiguïté sont de deux catégories en général. La première, c'est l'ignorant. Et l'ignorant, cet ignorant-là, il ne fait que répéter ce qu'on lui a dit. Et le concernant les savants de Ahl Sunna wal Jama'a, ils disent qu'il faut lui enseigner et patienter avec lui, car il est ignorant. Et la deuxième catégorie, c'est celui qui a un but derrière ce genre de paroles. En effet, certains parmi ceux qui ont de nombreuses erreurs et d'ambiguïtés savent pertinemment que les gens de la Sunna ne vont pas se taire sur leurs erreurs et qu'ils vont finir par être dévoilés au grand jour, surtout si cette personne elle est connue. Et surtout si cette personne elle fait partie des prêcheurs. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Il va attaquer pour mieux se défendre. C'est-à-dire, il prépare tout doucement ses suiveurs et les éduque sur la non-légitimité des mises en garde. Et que ceci n'est pas une chose. Et que ceci n'est pas une chose bonne. Et que ceci fait partie de la division. Puis lorsque les erreurs de cet individu, ils sont dévoilées au grand jour, et que les gens de la Sunna mettent en garde contre lui, il dit à ses suiveurs, ne vous ai-je pas dit que ces gens-là ne savent que mettre en garde? Ne vous ai-je pas dit qu'ils ne savent pas construire, mais plutôt que ce sont des fauteurs de troubles? Et ses suiveurs, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à le suivre. Car le plan de cet individu a fonctionné à merveille. Et de cette ambiguïté, il ressort plusieurs points, et nous allons nous pencher, inshallah ta'ala, dessus un par un, tout en les réfutant. Le premier point, c'est leurs paroles, les gens de la Sunna ne font que mettre en garde. Et ceci est faux, car en vérité leur prêche est basé sur le tawhid et non sur les mises en garde. Mais il est bon de souligner que les gens de la Sunna montrent aux gens et leur clarifient le bien, tout comme ils les mettent en garde contre le mal, pour ne pas qu'ils tombent dans le mal. Et ceci est certes la voie du Coran. Car dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous clarifie le bien, tel que l'adorer sans rien lui associer, prier, jeûner et beaucoup d'autres choses. Et dans d'autres versets, il nous met en garde contre le mal, pour qu'on puisse s'en écarter. Car comment peut-on s'écarter du mal si nous sommes ignorants à son sujet? Comment t'écarter des mauvaises personnes si tu ne connais pas leurs caractéristiques? C'est pour cela que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa ibn al-Yaman, il disait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam questionnaient le messager sur le bien, et moi je le questionnais sur le mal, de peur qu'il m'atteigne, rapporté par Muslim. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il dit en commentaire de ce hadith, il est ordonné à la personne de faire le bien et de s'écarter du mal, tout comme il lui est ordonné la connaissance du bien et la connaissance du mal pour ne pas y tomber. Fin de citation. Le deuxième point, donc qu'il mentionne dans cette ambiguïté, c'est que les mises en garde ne sont pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une compréhension erronée, car les mises en garde sont bel et bien de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, dans sa sunna, on trouve pas mal de mises en garde. Nous trouvons par exemple une mise en garde détaillée contre les khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les concernant, viendra à la fin des temps des gens d'un jeune âge et faible d'esprit qui diront l'une des meilleures paroles de la création et réciteront le Coran sans qu'ils dépassent leur gorge. Ils sortiront de la religion comme la flèche traverse le gibier. Si vous les rencontrez, tuez-les, car au jour de la résurrection, il y aura une grande récompense auprès d'Allah pour celui qui les aura tués. Et le hadith, il est muttafaq alayh, c'est-à-dire il est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il a même informé sa communauté que les Khawarij sont les chiens de l'enfer. Et ceci nous montre clairement que les mises en garde font partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons même rajouter que ceci est la voie des prophètes, car certains des prophètes ont mis en garde contre certaines personnes. Et nous pouvons citer la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionnée lorsque Moussa a dit à un homme, « Innaka larawiyyun mubin, tu es un vrai dévoyé. » Le troisième point concernant leur ambiguïté, les mises en garde contredisent le fait qu'il faut être miséricordieux, doux et tolérant. Et ceci, encore une fois, est une fausse compréhension. Car l'un des buts des mises en garde est que les personnes visées reviennent sur leurs erreurs et se repentent. Et ceci rentre dans la miséricorde. Et ce qui nous montre cela, c'est le athar de Yusuf ibn al-Asbat, qu'Allah l'agré. Abu Salih al-Farra, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: j'ai raconté à Yusuf ibn al-Asbat, d'après Waqir, une chose liée au trouble. Il dit alors, donc Yusuf ibn al-Asbat, celui-ci ressemble à son professeur, c'est-à-dire Hassan ibn Hayy. Je dis alors à Yusuf ibn al-Asbat, n'as-tu pas peur que ce soit de la médisance? Yusuf dit alors, pourquoi, ô idiot? Je suis meilleur pour eux que leur propre mère et père. J'interdis aux gens de pratiquer ce qu'ils ont instauré, ce qui aurait pour conséquence que leur fardeau les suive. Et celui qui leur prodigue des éloges est plus nuisible pour eux. Allahu Akbar. Rapporté par Ja'far al-Uqayli dans Ad-Du'afa, avec une bonne chaîne de transmission. Et donc dans ce Athar, Yusuf ibn al-Asbat nous enseigne la voie des gens de la Sunna. Et pourquoi ils mettent en garde contre le contradicteur? C'est tout simplement par miséricorde pour celui-ci. Et le quatrième point concernant leur ambiguïté, le fait de rendre similaires toutes les erreurs. Car à la fin de leur ambiguïté, ils mentionnent que tous les enfants d'Adam font des erreurs, et comme tout le monde fait des erreurs, alors pourquoi toutes ces mises en garde? Et leur parole, elle implique indirectement que les erreurs sont tous au même niveau. Et cette parole, Ikhwani fillah, elle est souvent prise comme bouclier par les gens du faux, pour que les gens de la sunna se taisent sur leurs faux. Et il est important ici de regarder la légitimité de cette parole dans le Coran et la sunna. Et lorsque nous revenons au Coran et à la sunna, nous nous apercevons que cette parole n'est pas correcte et que certaines erreurs sont pires que d'autres. Car il y a des erreurs qui peuvent être une cause que la personne sort de l'islam. Comme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans surat At-Tawbah, le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah il dit, selon la traduction, si tu les interroges, ils répondront: nous ne faisions que bavarder et plaisanter. Dis-leur, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne cherchez pas à vous excuser, vous avez mécru après votre foi. Et les savants du tefsir nous mentionnent la cause de la révélation de ce verset. Et cette cause est qu'en vérité un groupe de personnes ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons: jamais nous n'avons vu d'individu plus vorace, plus menteur et plus lâche lors d'un assaut que ses lecteurs. Et donc un compagnon, il a entendu cette parole et il partit directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'en informer. Mais la révélation lui précédait Et lorsque l'homme vint s'expliquer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit au messager d'Allah, nous ne faisions que bavarder et discuter, comme le font les voyageurs afin d'atténuer la fatigue du voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit par les versets qui venaient de lui être révélés. Et cette erreur leur a causé la mécréance et a été une cause, d'accord, pour leur sortie de l'islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum » Ne cherchez pas à vous excuser, vous avez mécru après avoir eu la foi. Et ceci te montre très clairement que certaines erreurs peuvent être la cause que tu sortes de l'islam, tout comme certaines erreurs peuvent être une cause que tu ne fasses plus partie des gens de la sunna. Donc ça, c'était pour la cinquième ambiguïté. La sixième, certains, ils vont te dire, en plus, les gens de la sunna, ils sont contradictoires dans leur mise en garde. Et parmi leurs contradictions, il y a, premièrement, leurs savants mettent en garde sévèrement contre des gens tels que Sayyid Qutb, mais par contre, ils ne mettent pas en garde contre l'imam al-Nawawi, malgré qu'il soit tombé dans certaines erreurs dans les noms et attributs. Deuxièmement, lorsqu'ils mettent en garde contre quelqu'un, ils ne mentionnent pas ses bonnes actions, et ceci n'est pas juste et n'est pas équitable. Troisièmement, parfois, ils vont attribuer certaines erreurs à certains groupes dans leur mise en garde. Pourtant, ce ne sont pas tous ceux qui s'y affilient qui sont tombés dans ces erreurs. Donc, ces gens-là, ils ont mentionné, parmi les choses qu'ils ont mentionnées, ils ont mentionné trois choses, selon eux, qui sont des contradictions. Et nous allons répondre point par point à ces ambiguïtés. Concernant leurs paroles, pourquoi les savants de la sunna ne mettent pas en garde contre l'imam al-Nawawi comme ils mettent en garde contre Sayyid Qutb? Premièrement, nous considérons cette parole comme une reconnaissance de leur part de l'équité des gens de la sunna. Car en vérité, cette parole indique l'équité des gens de la sunna et leur justice, et qu'ils savent faire aussi la part des choses entre ceux qui tombent dans l'erreur et qu'ils ne les mettent pas au même niveau. Et il y a certes de nombreuses différences entre Sayyid Qutb et l'imam al-Nawawi. Parmi elles, Sayyid Qutb est celui qui a revivifié l'idéologie des frères musulmans. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ses livres sont pris en exemple et sont la cause de nombreux méfaits dans le monde arabe, au contraire de l'imam al-Nawawi. Deuxièmement, Sayyid Qutb, il est tombé dans de nombreuses erreurs, et des erreurs qui sont très graves. Parmi elles, le dénigrement de certains prophètes, tels que le prophète Moussa alayhi salam, et tel que le dénigrement du prophète Daoud alayhi salam, aussi le tekfir de la plupart de la communauté, aussi sa croyance de ce qu'on appelle Wahdatul Wujud, le dénigrement de certains compagnons, comme Muawiya ibn Abi Sufyan, et ses erreurs graves qu'il a commises dans le tafsir du Coran, au contraire de l'imam al-Nawawi, qui s'est trompé seulement dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour toutes ces raisons que les savants de la sunna ont mis en garde sévèrement contre Sayyid Qutb. Et en ce qui concerne l'imam al-Nawawi, ils se sont contentés de montrer les erreurs dans lesquelles il est tombé lors de l'explication de ses livres. Et aussi, Sayyid Qutb était connu pour son fanatisme, et il n'était pas connu pour sa défense de la sunna et de ses adeptes, au contraire de l'imam al-Nawawi, qui était connu pour propager la sunna et son amour aussi pour la sunna. Et concernant leurs paroles, lorsque les gens de la sunna mettent en garde contre quelqu'un, ils ne mentionnent pas ses bonnes actions, et ceci est un manque d'équité. Cette ambiguïté provient de certains sectaires. Et en résumé, elle consiste à mentionner les bonnes actions de celui qui de celui contre qui tu mets en garde. Et ceci est une parole qui contredit le Coran et la Sunna. Et nous allons mentionner les preuves à cela. Tout d'abord, il faut savoir que dans de nombreux versets, Allah il a blâmé les mécréants et les hypocrites, et aussi les pervers. Et les a décrits avec ce qu'ils ont comme mécréance et hypocrisie et perversité, tout en les décrivant comme étant sourds, muets, sans pour autant mentionner leurs bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » Nous avons créé pour la géhenne nombre de djinns et d'hommes. Ils ont un cœur mais ne comprennent pas, des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont semblables au bétail et sont même plus égarés encore, ceux-là sont inattentifs. Et pareil dans la sunna, dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de certaines personnes sans mentionner leurs bonnes actions et leurs qualités. Prenons l'exemple du hadith de Fatima bint Qais, qu'Allah l'agrée. Un jour, elle alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander un conseil concernant le mariage. Et elle lui dit, Abu Jahm et Muawiya m'ont demandé en mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit alors, en ce qui concerne Muawiya et les pauvres, quant à Abu Jahm, il frappe les femmes. Ensuite, il lui dit, marie-toi avec Oussama ibn Zayd. Et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Et ici, nous remarquons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les défauts, ou plutôt un défaut, de ses deux compagnons, sans pour autant mentionner leurs bonnes actions. Comme par exemple, qu'ils ont pris part à telle ou telle bataille, ou qu'ils ont tel ou tel mérite. Et donc les savants, ils ont tiré de ce hadith que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné leurs bonnes actions, alors que ce sont les meilleures personnes après les prophètes, alors que dire des gens de l'innovation et des fauteurs de troubles? Il ne reste plus un once de doute pour celui qui accepte la vérité que leur ambiguïté est certes caduque. Et concernant leurs paroles, que les gens de la sunna vont attribuer certaines choses à certains groupes dans leur mise en garde. Pourtant, ce ne sont pas tous ceux qui s'affilient à ce groupe-là qui font ces choses. Et de ce fait, ceci est de l'injustice. L'une des meilleures réponses qu'on peut leur donner concernant cette parole, c'est de mentionner une preuve du Coran avec l'explication d'un de nos savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 30 de sourate At-Tawbah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ. Les juifs disent, Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Messie est le fils d'Allah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans son livre intitulé Irtida Siratul Mustaqim, il nous mentionne une parole très importante qui est considéré comme une règle. Il dit, cher l'Islam ibn Taymiyyah, après avoir cité ce verset, c'est connu que tous les juifs n'ont pas dit que Uzair est le fils d'Allah. Il dit par la suite, mais lorsque certains l'ont dit et que les autres ont été d'accord, Allah n'a pas fait d'exception. Fin de citation. Donc là, cher l'Islam ibn Taymiyyah, il te mentionne une règle. Il te mentionne une règle. Le fait que, par exemple, tu vas attribuer une parole ou un égarement à une secte. Parce que lorsque tu parles d'une secte, tu ne parles pas des petits suiveurs. Non, tu parles de ceux qui représentent cette secte-là. D'accord ? Il se peut que tu vas leur attribuer quelque chose, mais tous les gens de cette secte ne disent pas cette chose-là. Mais lorsque tu regardes les têtes, d'accord, les chouyours ou les têtes de cette secte-là, ils vont dire cette parole, et les suiveurs, même s'ils ne vont pas le faire, ils vont être d'accord avec cette parole. Et ça, c'est une qaïda que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il nous mentionne. Et dans ce cas-là, il est légitime que tu dises, ces gens-là, ils font ça. D'accord? Tu peux dire, ces gens-là, ils font ça. Pourquoi? Parce que même les suiveurs, même s'ils ne le font pas, ils sont d'accord. Ils sont d'accord et il a mentionné la preuve avec le verset 30 dans Sourate At-Tawbah. Et donc la question qui se pose, après avoir mentionné ce verset, le verset dans Sourate At-Tawbah, et la règle que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné dans son livre Irtida Siratul Mustaqim. La question qu'on leur pose maintenant, est-ce que vous pouvez dire qu'Allah a fait de l'injustice ici, car il a attribué une parole aux Juifs, alors que certains d'entre eux ne l'ont pas dite? On va laisser la question en suspens et on va passer à la septième ambiguïté. Donc la septième ambiguïté qui est la parole de certains, je ne suis pas salafi car les salafis font de l'anthropomorphisme. Car ils disent qu'Allah a des mains, qu'il descend, qu'il parle et d'autres choses qui sont aussi attribuées à l'homme. Et donc par ceci, ils sont sortis de l'islam car ceci est de la mécréance. Et cette ambiguïté, ikhwani fillah, est malheureusement très répandue. Et elle provient des gens de l'innovation. Et ce qui les a amenés à cette parole, et que les gens de la sunna affirment ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même, et ce qu'a affirmé de lui son messager, comme nom parfait et attribut élevé. Et donc ceci pour eux est de l'anthropomorphisme. Car selon eux, non. Car selon eux, ce qu'il faut faire concernant les noms et attributs d'Allah, c'est qu'il ne faut pas affirmer leur sens. Prenons l'exemple de l'attribut de la miséricorde. Ils vont te dire clairement, Allah est miséricordieux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, concernant le sens de cela, ils vont te dire, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Et donc, nous ne pouvons pas l'affirmer. Et leur argument dans cela, c'est que les textes qui parlent des noms et attributs, leur sens n'est pas connu. Et on appelle cette façon de faire at-tafwid. On appelle ça, cette manière de faire, aqidatu tafwid. Ou bien ils vont te dire, concernant les textes qui montrent les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont te dire qu'il faut leur donner un autre sens. Parce que si tu leur donnes le sens apparent, dans ce cas-là, tu as certes fait ressembler Allah à ses créatures. Par exemple, si on prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah il descend dans le dernier tiers de ce bas nuit, de ce bas monde, enfin dans le dernier tiers de la nuit, au ciel de ce bas monde. Ils vont te dire que ici, tu ne peux pas dire que c'est Allah qui descend. Car si tu dis que c'est Allah qui descend, alors tu l'auras à faire ressembler à ses créatures. Donc c'est quoi la solution ici? La solution, c'est que tu dises que c'est sa miséricorde qui descend. Ou bien que c'est son ordre qui descend. Et on appelle ça at-ta'wil. Et donc nous allons tout d'abord réfuter ces deux procédés vis-à-vis des noms et attributs d'Allah. Ensuite, nous allons revenir sur leur accusation d'anthropomorphisme. Donc concernant leurs paroles, que les textes qui traitent des attributs, on ne peut pas comprendre leur sens. L'éminent savant Charles Euphémine a réfuté cela avec des arguments irréfutables. Il nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde, je cite, il découle de cette parole que ce qu'Allah nous a raconté comme histoire, telle que l'histoire de Pharaon et de Haman et de Karun et autres, son sens est connu, selon eux. Pareil pour les textes où Allah mentionne les mérites des croyants. Le sens de ces textes est connu. Mais par contre, ce qu'Allah a mentionné le concernant, d'accord, le concernant, concernant les noms et les attributs, le sens serait inconnu. Il dit ensuite, est-ce que cela est raisonné? Ensuite, il poursuit, il dit, alors que l'une des choses les plus importantes dans la législation islamique, c'est la connaissance d'Allah par ses noms et attributs. Fin de citation. Et on peut aussi rajouter que personne parmi les gens des meilleures générations a mentionné ce genre de paroles ni a prétendu ce genre de paroles. Qu'Allah fasse miséricorde au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a débattu avec la secte des Khawarij. Il leur a dit une parole immense qui en fit réfléchir plus d'un. Il leur dit: je ne vois aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi vous. Et les savants ont dit concernant cette parole qu'Ibn Abbas voulait leur faire comprendre leur égarement. Car s'ils auraient été sur la vérité, il y aurait forcément eu des compagnons avec eux. Cependant, leur absence est une indication claire qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Et aujourd'hui, nous disons pareil à ces personnes qui vont te dire que les textes qui parlent des attributs, leur sens est inconnu. Nous leur disons: et nous ne voyons aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même de tabi'in, avec vous dans cette prétention. Et nous pouvons aller bien plus loin que cela, car nous avons certes des preuves qui nous montrent clairement que la croyance des compagnons et des tabi'in était bien contraire à celle-ci. Et il nous suffit de mentionner la parole d'un des élèves de Abdullah ibn Abbas, qui n'est d'autre que Mujahid ibn Jabr, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui fasse miséricorde. Il dit: j'ai lu le Coran 3 fois à Ibn Abbas et je l'arrêtais à chaque verset et le questionnais sur celui-ci. Notre noble Cheikh Yassine Ibn Ali al-Adani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait souvent en commentaire de ce affaire, et ceci nous montre que les versets traitant des noms et attributs ont bien un sens connu, car sinon Ibn Abbas ne les aurait pas expliqués à Mujahid. Fin de citation. Qu'Allah fasse miséricorde à notre Cheikh Yassine ibn Ali al-Adani, rahimahullah rahmatan wasi'a. Et concernant leurs paroles, ce n'est pas Allah qui descend, mais c'est sa miséricorde et tout ce qui s'ensuit. Il suffit pour réfuter cette parole de mentionner le affar de l'imam Malik. Et ici, j'ai choisi volontairement ce affar. Et la raison qui m'a poussé à faire cela est que beaucoup de ceux qui disent ce genre de paroles à l'heure d'aujourd'hui prétendent suivre l'imam Malik. Ils vont te dire: nous suivons l'école juridique de l'imam Malik. Et donc, il n'a rien de mieux que de les réfuter avec la parole de celui qui suit. Et ce procédé-là, c'est un procédé qui est fréquemment utilisé chez les gens de la Sunna. Prenons par exemple le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, intitulé Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra. Dans cet épître, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné certaines paroles de savants qui sont prises en exemple par certaines personnes chez les gens de l'innovation, dans certains domaines de la croyance où les suiveurs sont en contradiction totale avec leur imam. Et donc, lorsque Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne leurs paroles, c'est comme s'il leur disait: regardez, vous prétendez suivre ces imams alors qu'ils sont en accord avec la croyance des salafs, tandis que vous n'êtes ni en accord avec les salafs, ni en accord avec la parole de vos imams. Donc un jour, un homme questionna l'imam Malik au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Taha, Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa. Le miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. L'homme a dit à l'imam Malik: comment s'y est-il établi? Et l'imam Malik répondit: Al-Istiwa, donc le fait qu'Allah se soit établi au-dessus du trône, Al-Istiwa, il est connu. C'est-à-dire, lorsqu'il a dit il est connu, c'est-à-dire dans la langue arabe. Ensuite, il lui dit: et le comment est inconnu. Et il est obligatoire d'y croire. Et questionner à son propos est une innovation. Et donc, on constate que la réponse de l'imam Malik, que dans la réponse de l'imam Malik, il n'a pas dit l'istiwa n'a pas tel ou tel sens, car sinon on fait ressembler Allah à ses créatures. Mais plutôt, il a dit el istiwa est connu, car le Coran est en langue arabe. Et le mot istawa, il a un sens bien connu en arabe. Mais ce sens, il convient à Allah. Et ceci est valable pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah descend dans le dernier tiers de la nuit au ciel de ce bas monde, le terme utilisé c'est nazala, qu'on traduit littéralement par la descente. Et son sens, il est connu dans la langue arabe. Mais ce sens-là, les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Il convient à Allah. Et si tu dis nazala zayd, zayd descend la montagne par exemple, nazala zayd minel jabal par exemple, Zayd descend de la montagne, le sens de la descente ici convient à Zayd. Et pour appuyer cette parole, on peut rajouter à cela une preuve rationnelle. Comme le mentionne des fois Cheikh Al-Uthaymeen dans son livre intitulé Al-Qawaid Al-Muthla. On va prendre deux créatures. D'accord ? On va prendre deux créatures qui sont l'homme et l'éléphant. Ces deux créatures, ils possèdent des pieds avec lesquels ils marchent. Malgré que ce sont deux créatures, il n'y a pas de comparaison possible entre les pieds de l'éléphant et celui de l'homme. Pourtant, on parle de deux créatures. Alors que dire, walillahil mathalul a'la, alors que dire de la différence entre le créateur et la créature? Et donc, celui qui a un cœur prêté à l'attention comprend que les gens de la sunna ne font pas d'anthropomorphisme. Surtout que les gens de la sunna ont toujours combattu ce fléau. Et il n'y a pas de mal à rapporter et à rappeler la parole de Nu'aym ibn Hammad, l'enseignant de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah. Il dit à ce sujet, celui qui compare Allah à ses créatures aura mécru. Et celui qui nie ce pourquoi Allah s'est décrit aura mécru. Il dit ensuite, la description qu'Allah fait de lui-même ou que son messager fait de lui ne comporte aucun anthropomorphisme. Fin de citation. Donc ça, c'était pour la septième ambiguïté. La huitième ambiguïté, certains vont te dire, pour ces gens-là, donc en parlant des gens de la sunna, il suffit que la personne se dise salafi pour être bien guidée et pour aller au paradis. Même si c'est le pire des criminels. Selon eux, donc selon les salafis, à partir du moment où une personne dit « je suis salafi », c'est bon, elle rentre au paradis. Et cette ambiguïté, qui est plus faible encore que la maison d'une araignée, repose sur deux points. Le premier point, c'est que les salafis considèrent, donc selon leur dire, considèrent une personne bien guidée par le simple fait qu'elle se soit affiliée à la salafie. Et il n'y a pas de doute que c'est une parole erronée, une compréhension bancale, car l'affiliation sans acte n'a jamais servi à rien. Par exemple, les juifs et les chrétiens ont prétendu être les bien-aimés d'Allah, mais cela ne leur a servi à rien, et cette prétention, elle n'a pas été accompagnée d'actes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Les juifs et les chrétiens disent, nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés. Réponds-leur, pourquoi alors vous punit-il pour vos péchés? Vous êtes en vérité que des hommes, semblables à tous ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. À Allah seul appartient la royauté des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, et c'est vers lui que se fera le retour. De plus, Ikhwani fillah, les gens de la sunna ne considèrent pas la simple affiliation à la salafia comme un mérite. Car combien s'affilient à la salafia et n'ont rien à voir avec la voie des salafs. Et malgré que ces gens s'affilient à la salafia, tu trouves que les salafis les réfutent et montrent leur égarement. Et ceci montre clairement la fausseté de leurs paroles. Et comme les Arabes disent, Bilmithal, yattadihul maqal. Avec l'exemple, la parole est plus claire. L'une des sectes à l'heure actuelle qui s'affilie le plus à la salafia de nos jours est la secte qu'on appelle Al-Haddadiyya. Malgré cela, tu trouves de nombreuses paroles de savants contemporains, excusez-moi, les réfutant. Le deuxième point concernant leur ambiguïté, dire que selon les salafis, le simple fait de dire « je suis salafi » suffit pour rentrer au paradis, ceci est une parole faible et une ignorance manifeste de la croyance des gens de la sunna. Car ils ne témoignent pas qu'une personne en particulier va aller au paradis ou en enfer, même si elle meurt en martyr. Les gens de la sunna ne disent pas que cette personne-là va aller au paradis, mais plutôt ils vont dire qu'ils espèrent pour lui le bien. Pareil pour celui qui viendra à mourir sur la mécréance. Ils ne disent pas un tel qui est mort va aller en enfer, car il y a besoin d'une preuve du Coran ou de la sunna pour affirmer cela. Mais d'un point de vue général, ils disent les croyants iront au paradis et les mécréants iront en enfer. Et l'imam Abu Uthman As-Sabouni, il dit dans son livre intitulé « La croyance des pieux prédécesseurs et les gens du hadith », il dit à ce sujet « Les gens du hadith croient et témoignent que l'issue du serviteur est inconnue. Personne ne sait sur quoi il va mourir et ils ne jugent personne en particulier comme étant au paradis ni en enfer, car c'est une chose qui nous est cachée. » Fin de citation. Et les gens de la sunna se sont basés dans cela sur le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans son recueil authentique, d'après Ummul Ala al-Ansariyya. Lorsque Othman ibn Maz'oun, radiallahu anhu, décéda, il fut lavé puis enveloppé dans ses habits. Puis Ummul Ala al-Ansariyya dit qu'Allah te fasse miséricorde, Abbas Sa'ib. Donc Abbas Sa'ib, ou Abu Sa'ib plutôt, c'est la kunya de Othman ibn Maz'oun. Et Ummul Ala al-Ansariyya, elle poursuivit et dit, Allah t'a certes honoré, c'est-à-dire par le paradis, comme ont expliqué les savants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il entendit cette parole et lui dit, et comment sais-tu qu'Allah l'a honoré? En ce qui le concerne, la certitude lui est venue, c'est-à-dire la mort. Et par Allah, j'espère pour lui le bien. Par Allah, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, ce qu'on va faire de moi. Et Ummul Ala al-Ansariyya, radiallahu anha, dit ensuite, par Allah, je n'ai plus fait les éloges de quelqu'un par la suite. C'est pour cela que les gens de la sunna ne disent pas qu'une personne ira au paradis juste parce qu'elle se dit salafi. Et quand bien même elle serait salafi, vraiment, et connue pour sa piété et son ascétisme et autres, il ne dirait pas qu'elle ira au paradis. Mais plutôt, si elle venait à mourir, il dirait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Uthman ibn Maz'oun, nous espérons pour lui le bien. La neuvième et avant-dernière ambiguïté, certains ils vont te dire, les salafis en vérité, c'est un groupe qui suivent un homme qui vit en Arabie Saoudite, qui s'appelle Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Ensuite, ils vont te dire, ils suivent cet homme aveuglément dans toutes choses. C'est pour cela qu'ils appellent les salafis les matralistes. Et en réponse à cela, nous disons que les gens de la sunna, ils ne suivent pas un homme en particulier parmi les savants, mais plutôt ils suivent les pieux prédécesseurs et ceux qui ont suivi leur voie. Et parmi eux, il y a les savants de la sunna, car ce sont les héritiers des prophètes, tout en sachant que les savants peuvent se tromper. C'est pour cela que si une personne de science parmi les gens de la sunna se trompe, ils ne le suivent pas dans son erreur. Et l'éminent savant, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, n'échappe pas à cette règle. Ceci dit, il est intéressant de voir de qui provient cette parole et pour quelle raison est-elle mentionnée. Lorsque nous l'analysons, nous remarquons qu'elle vient de personnes sectaires qui suivent des individus que Cheikh Rabi' a mis en garde et a réfuté dans ses écrits. Et ceci les a menés à critiquer le shirk et le dénigrer. Et ceci fait partie des procédés des sectaires. Car lorsqu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas réfuter et répondre avec science aux arguments donnés par les gens de la Sunna, ils se dirigent vers le dénigrement. Abu Hatim al-Razi disait à ce sujet: Min alamati ahli al-bid'a al-waqi'a fi ahli al-afar. Parmi les signes des gens de l'innovation, le dénigrement des gens du afar, c'est-à-dire le dénigrement des gens de la Sunna. Et les gens de la Sunna prennent de tous les savants de la Sunna et ne s'affilient pas à un savant en particulier. Donc ça, c'était pour la 9e ambiguïté. La 10e ambiguïté et dernière, c'est la parole répandue de certains: je ne suis pas salafi car les salafis n'ont pas un bon comportement et ils font preuve de dureté. Ceci est une parole qu'on entend beaucoup dans le monde francophone. Et en vérité, ceux qui disent cette parole sont tombés dans une chose qu'ils détestent qu'on leur fasse subir. Je m'explique. Donc la personne qui dit par exemple: je ne suis pas salafi car les salafis sont durs. Ici, il a certes mis tout le monde dans le même sac et il n'a accepté personne. Cependant, il n'agrée pas qu'on lui fasse cela. Car selon son raisonnement, s'il vient d'une famille, d'accord, on va dire il vient d'une famille où il y a un ou deux voleurs. Il y a une famille, par exemple, une fratrie de 40 personnes avec les enfants, les oncles, etc. Et dans cette fratrie-là, il y a un ou deux voleurs. Est-ce que cette personne-là, elle va accepter qu'on remette toute sa famille en question et qu'on dise que c'est une famille de voleurs? Là, wallah, il n'y a pas de doute qu'il ne va pas aimer cela. Malgré tout ça, c'est ce qu'il fait avec les gens de la Sunna. Il voit que certains salafis peuvent avoir un mauvais comportement. Et ceci n'est pas une chose que nous renions. Ensuite, il va attribuer ce mauvais comportement à l'ensemble des salafis et remettre en cause ce prêche béni. Et ceci est une injustice, car ces mauvais comportements ne représentant rien à la salafie. Et les salafis ne sont pas d'accord avec cela. Et leurs paroles concernant la dureté des salafis, il y a selon moi plusieurs cas de figure. Il y a selon moi plusieurs cas de figure. Et on peut mentionner trois cas de figure. Le premier, c'est qu'il fait preuve, donc cette personne qui dit ça, elle fait preuve de laxisme dans sa religion. Donc lorsqu'il voit que les gens de la Sunna font preuve de fermeté, il les accuse d'être durs. Pourquoi ici? Pour se rassurer. Et pour ne pas mettre en évidence ses manquements religieux. Et ceci est un procédé qui est connu. On n'a même pas besoin de trop en parler. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il a eu affaire à une ou des personnes qui se revendiquent de la salafie. Ils se revendiquent salafie, mais qui en vérité ne sont pas salafis. Et ils ont fait preuve de dureté. Et dans ce cas-là, les salafis n'ont rien à voir avec cela. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur une grande ruse commise par certains sectaires. Ils vont te dire: Wallah, quand j'étais salafi, je faisais telle et telle chose. J'étais dur. Et ensuite, je me suis rendu compte que cette voie n'était pas la vérité. Et maintenant j'ai changé. Et en vérité, lorsque tu cherches et questionnes concernant ce genre d'énergumène, tu te rends vite compte qu'ils ont toujours été loin de la salafie. Et des fois même qu'ils faisaient partie de la secte des frères musulmans. Mais pour tromper les gens et dénigrer les salafis, ils te disent des absurdités de la sorte. Ils te disent des absurdités de la sorte, telle que sa parole, qu'Allah le guide. Lorsque j'étais salafi, pour moi, celui qui ne se brossait pas les dents avec le siwak et qu'il le faisait avec la brosse à dents était mécréant. Subhanallah. Regardez où vont ces gens. Regardez, ikhwani fillah, Où vont ces gens-là pour avoir des likes ou pour avoir des vues dans leurs vidéos? Y'a un riz si tu étais dérangé à cette époque. Cela te regarde. Mais ne mêle pas les gens de la Sunna à ce genre de fabulation. Le troisième cas de figure, il est sûrement tombé sur des salafis qui faisaient vraiment preuve de dureté. Et dans ce cas-là, il n'est pas permis de faire une généralité, car il ne représente en aucun cas les salafis. Donc voici, Ikhwani fillah, un semblant d'élément de réponse à quelques ambiguïtés. Tout en sachant, barakallahu fikoum, que les ambiguïtés autour de ce prêche béni sont nombreuses. Et il est impossible de répondre à toutes les ambiguïtés en un seul cours. Déjà, j'avais une heure de temps. Et qaddarallahu ma shafa'al, on est déjà à 1h20. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est vraiment pas possible de réfuter toutes les ambiguïtés. Surtout que les ambiguïtés, ils sont nombreuses. Mais j'ai essayé de mentionner et de réfuter les ambiguïtés qui sont le plus connues, surtout chez les francophones. Et pour finir, j'enjoins ma propre personne, ainsi que mes frères et sœurs en Allah, de s'accrocher au Coran et à la Sunna, tout en s'écartant des gens de l'innovation et des gens qui ont des ambiguïtés. Car malheureusement, nous sommes dans une époque où ceux qui prêchent le faux sont nombreux. Et ils font beaucoup d'efforts pour attraper les musulmans dans leur filet. Il faut donc faire preuve de clairvoyance, chers frères et sœurs, et s'écarter d'eux et ne pas prêter attention à leurs paroles, surtout sur Internet. Car certains frères et sœurs, malgré qu'ils connaissent ce sujet, alhamdoulillah, ils ont dû laisser aller. Et des fois, tu peux les voir écouter les rappels d'une personne qui n'est pas sur la sunna, sous prétexte que le rappel il est intéressant, ou le titre attire. Puis à ses heures perdues, ils écoutent un deuxième, mashallah, puis un troisième. Par la suite, ils se mettent à l'écouter régulièrement, jusqu'à ce qu'ils délaissent ce manhaj béni, pour suivre des voies déviantes. Et ceci est de plus en plus répandu. Surtout depuis l'explosion des réseaux sociaux. Prenez garde et sachez que cette religion et cette croyance, c'est ce que nous possédons de plus cher. Et accrochons-nous à cette religion, accrochons-nous à cette croyance, comme l'avare s'accrochera à son argent. Et faisons des efforts aussi dans l'apprentissage de la religion. Et soyons sincères dans cela. Car c'est ce qui perdure. Comme certains salafs disaient, Ma kana lillahi yabqa. Ce qui est pour Allah perdure.